nos espoirs, mes chers amis. Que c'est joyeux de vous raconter mes histoires, de partager toutes mes joies. L'amour est un art. Somos amigos, vamos a la fiesta. Wow, wow, oh, oh, vamos a la fiesta.